grosse lâche, grosse caisse, gros flingue, voilà ce qu'ils veulent. La grande classe, le train en marche, ma putain de place, qu'est-ce qu'ils peuvent? Pétasse, belle fringue, hors de question d'attendre son heure. Numéro uno dans le checker, mais avant faut faire ses preuves. Grosse lâche, grosse caisse, gros flingue, voilà ce qu'ils veulent. La grande classe, le train en marche, ma putain de place, qu'est-ce qu'ils peuvent? Pétasse, belle fringue, hors de question d'attendre son heure. Numéro uno dans le checker, mais avant faut faire ses preuves. Merco S-Class, SL500, un rêve de gosse, cauchemar d'adulte. Passe le bénéf à la pompe, passe par cette rue, passe devant le bloc, passe chez le juge, passe par la zone, passe ta vie dans la défense, passe par chez nous qu'on te défonce. Quand tu racontes notre histoire entre ces quatre putains de corps, tu pourras dire j'y suis allé, tu pourras dire putain quelle merde, tu pourras dire je suis un dingue, ces mecs sont encore plus dingues. Tu pourras dire oh merde, j'ai oublié mon flingue sous le siège, n'oublie pas de payer tes dettes, j'oublierai pas ta tête, j'oublierai pas ton adresse ni la couleur de ta caisse. Comme les stupes, je débarque chez toi, à visage découvert, le SAMU prépare la civière, les points suturés, une minière, venu en paix pour foutre la merde, ensuite je repars en BM, venu pour mettre les choses au clair et régler 2-3 affaires, venu en bus devant les flics, droit alerte à la grosse terre, garde à vue, regard baissé, quand tu balances rien ne t'arrête. Des grosses lâches, grosses caisses, gros flingues, voilà ce qu'ils veulent. La grande classe, le train en marche, ma putain de place, qu'est-ce qu'ils peuvent? Pétasse, belle flingue, hors de question d'attendre son heure. Numéro uno dans le checker, mais avant faut faire ses preuves. Grosse lâche, grosse caisse, gros flingue, voilà ce qu'ils veulent. La grande classe, le train en marche, ma putain de place, qu'est-ce qu'ils peuvent? Pétasse, belle flingue, hors de question d'attendre son heure. Numéro uno dans le checker, mais avant faut faire ses preuves. SLK, BMK pour la flambe et la baisse, RS4, Porsche Cayenne, même plus de place sur le siège. Passe la douane, les couronnes, c'est le compteur dans le rouge qui tout double, rien à foutre les yeux. Rêver sur la route, juillet, août, le bled, les boîtes, le Z là et les putes. Le reste du temps, le bise, les rocs, les portables sur écoute. Coup de pression, on se teste sous whisky, on start. Tu te mets à table et jure sur ta mère que t'es pas une poucave. T'as du mal à expliquer pourquoi tous les autres sont en zone. Putain d'époque, j'hallucine, les mondes veulent m'apprendre les choses. T'as vu le film, tu connais le bis, tu connais lui, tu connais l'autre. Tu me connais de réputation sans faire la part du vrai du off. Je te connais pas et c'est normal car t'es encore un gosse. Je connais juste ta grande cousine, j'étais son gynécologue. Ne me dis pas famille, j'ai pas la tête de ton oncle. Tu veux ma place, je te la donne, attends seulement que je sois dans la tombe. Des grosses lâches, grosses caisses, gros flingue, voilà ce qu'ils veulent. La grande classe, le train en marche, ma putain de place, qu'est-ce qu'ils peuvent? Pétasse, belle flingue, hors de question d'attendre son heure. Numéro uno dans le checker, mais avant faut faire ses preuves. Grosse lâche, grosse caisse, gros flingue, voilà ce qu'ils veulent. La grande classe, le train en marche, ma putain de place, qu'est-ce qu'ils peuvent? Pétasse, belle fringue, hors de question d'attendre son heure. Numéro uno dans le checker, mais avant faut faire ses preuves.